Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Rosa Parks, pionnière du combat des Noirs aux États-Unis. The driver said that if I refused to leave the seat, he would have to call the police, and I told him, just call the police. Si vous ne laissez pas tout de suite votre place à ce blanc, je vais appeler la police. Eh bien, appelez-la. C'est ainsi que Rosa Parks, qu'on vient d'entendre, décrit l'échange qu'elle a eu avec un chauffeur de bus de Montgomery en Alabama le 1er décembre 1955. Ce petit geste, en apparence banal, ce simple refus de céder sa place à un blanc, va provoquer une véritable révolution dans cette Amérique raciste des années 50. Le refus de Rosa Parks conduira à l'adoption de nouvelles lois qui figureront parmi les plus importantes dans le combat des Noirs pour la reconnaissance de leurs droits aux États-Unis. Rosa Parks tells us there's always something we can do. She tells us that we all. L'histoire de Rosa Parks nous montre qu'on peut changer les choses. Son geste de désobéissance a provoqué le début d'un mouvement. Et tous ces pas franchis par les Noirs lors du boycott des bus de Montgomery ont ouvert les yeux de toute une nation. Et c'est grâce à ces hommes et à ces femmes que je suis ici aujourd'hui. It is because of these men and women that I stand here today. Le président américain Barack Obama, lors du dévoilement d'une statue à l'effigie de Rosa Parks le 27 février 2013, pour nous raconter l'histoire de Rosa Parks et pour bien comprendre la portée de son geste, l'historien de l'Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Le Glonec. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente, Rosa Parks, cette figure de Rosa Parks aujourd'hui aux États-Unis? C'est une figure très importante, une figure consensuelle. C'est une femme qui a traversé le XXe siècle. Elle est née en 1913, elle est décédée en 2005. Et elle a participé, finalement, elle a traversé tous ces grands changements qui caractérisent l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Aujourd'hui, c'est une figure consensuelle. Elle représente la non-violence, elle représente cette façon si caractéristique des Afro-Américains dans les longues années 60, de 55 à 75 à peu près, de s'opposer à la ségrégation et de lutter contre les discriminations en utilisant des tactiques non-violentes. Donc c'est une figure consensuelle que l'on oppose généralement à des figures plus radicales comme Malcolm X ou les figures qui gravitent autour du mouvement Black Power. Oui. Revenons à ce qui se passe au point de départ, à ce 1er décembre 1955. Qu'est-ce qui se passe ce fameux jour-là? Oui, c'est quelque chose de très simple finalement. Ouais. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks quitte le grand magasin, le Montgomery Fair où elle travaille. Elle quitte vers 17h, elle monte dans l'autobus à 17h30 et elle monte dans un autobus qui est conduit par un chauffeur qu'elle évite depuis une dizaine d'années. Ce chauffeur s'appelle James Blake et elle l'évite depuis une dizaine d'années puisqu'elle avait déjà eu une altercation avec lui en 1943. Il faut rappeler tout de même que être noir à Montgomery le 1er décembre 1955 et être noir et prendre le bus suppose de respecter un certain nombre de règles. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, lorsqu'elle monte dans le bus, doit payer son 10 sous et ensuite, normalement, elle doit sortir du bus et rentrer dans le bus par l'arrière. Ah bon. Les Noirs américains avaient l'obligation de faire ce chemin, finalement. Ils entraient à l'avant et repartaient ensuite pour rentrer à l'arrière. Dans le bus dans lequel elle entre... Pour laisser les places de devant aux Blancs. Alors, en effet, les 10 premières places de l'autobus de 36 places dans lequel elle rentre, les 10 premières places sont réservées à des Blancs. Ensuite, les 26 places restantes sont ouvertes, sont disponibles à tous, mais la règle est claire, il ne peut pas y avoir de Blancs debout. Et s'il y a des Blancs debout, les Noirs qui se trouvent dans la partie du milieu de l'autobus doivent se lever afin de céder leur place. Ouais. Les Noirs doivent se lever pour céder leur place à un Blanc, mais il ne peut pas y avoir de Noirs assis à côté d'un Blanc. S'il y a un Blanc dans une rangée, tous les Noirs de la rangée doivent se lever. Ouais. Ce jour-là, Rosa Parks paye son billet. Elle refuse de ressortir du bus pour rentrer par l'arrière. Elle s'assoit et lorsqu'elle s'assoit, le bus n'est pas rempli. Au fur et à mesure que le bus avance, des passagers blancs et noirs entrent et à partir d'un certain moment, il y a une personne blanche qui est debout dans l'allée. Alors le chauffeur du bus, James Blake, qui n'apprécie guère Rosa Parks, lui demande de se lever ainsi qu'à d'autres passagers afro-américains qui sont assis à côté d'elle. Les trois passagers afro-américains qui se trouvent à côté d'elle acceptent de se lever, mais Rosa, elle, refuse. Et le chauffeur de l'autobus, hein, qui a le pouvoir de police, les chauffeurs d'autobus qui sont tous blancs à Montgomery, sont armés, ouais. Et James Blake lui demande de quitter l'autobus. Il appelle deux policiers, et les deux policiers donc arrêtent Rosa Parks, et James Blake porte plainte, raison pour laquelle Rosa Parks est ensuite emprisonnée, hein, et elle sera plus tard condamnée à payer une amende. Est-ce que tout ça est prémédité? Qu'est-ce qui la pousse, Jean-Pierre Le Glonec, à refuser de céder sa place? Qu'est-ce qui la pousse à céder sa place? On a souvent dit que ce jour-là, on raconte encore que Rosa Parks était fatiguée, elle avait passé une journée difficile et elle ne voulait tout simplement pas se lever. Mais il n'y avait rien de prémédité. Alors au fond, Rosa Parks a très bien expliqué pendant des années qu'elle n'était pas du tout fatiguée ce jour-là. Elle, si elle était fatiguée de quelque chose, elle était surtout fatiguée de la ségrégation, des discriminations raciales et de ce système finalement qui faisait en sorte de séparer les blancs et les noirs dans partout, l'autobus. Pas, dans pas l'autobus. Que dans le bus. Oui, pas que dans le bus, bien sûr. Hein, il y avait ces abreuvoirs pour blancs, ces abreuvoirs pour noirs, ces toilettes pour blancs et noirs, ouais. Etc. Mais le système de l'autobus était particulièrement symbolique, puisque les autobus étaient employés par les Afro-Américains à environ 75%. Les blancs avaient accès généralement à une automobile, alors que les Afro-Américains, les femmes surtout, domestiques. Hein, Montgomery, en 1950, 60% des femmes noires sont domestiques. Et comment ces domestiques se déplacent-elles des ghettos noirs où elles habitent vers les quartiers blancs? En prenant l'autobus. Ouais. Alors vous comprenez bien que ce jour-là, le 1er décembre 1955, il se passe de quelque chose d'extrêmement symbolique. Cependant, ce n'est pas prémédité. Rosa Parks n'avait pas prévu ce jour-là de ne pas céder sa place. Elle n'avait pas prévu de prendre l'autobus de couleur jaune et olive dans lequel se trouvait James Blake, un petit peu son ennemi depuis 1943. La fameuse contingence en histoire, il y a des éléments qui font que ce jour-là, elle dira non, mais cette grosse fatigue surtout par rapport à ce contexte, elle n'en peut plus de ce système discriminatoire. Il faut dire qu'elle est... c'est une militante, Rosa Parks, parlons-en un peu. C'est pas le premier acte de résistance qu'elle fera non plus ce refus dans ce bus de Montgomery le 1er décembre 1955. Qui est-elle? Absolument. On a tendance à penser que Rosa Parks était une couturière, une simple couturière silencieuse, humble et modeste, qui ce jour-là, le 1er décembre 1955, finalement, était entrée dans l'histoire un peu par effraction. En fait, Rosa Parks n'est pas une couturière silencieuse, humble et modeste. C'est une militante des droits civiques, c'est une militante afro-américaine qui n'avait pas attendu le 1er décembre 1955 pour s'opposer au système de la ségrégation raciale imposé dans le sud des États-Unis, mais aussi d'une certaine manière dans le nord, depuis l'abolition de l'esclavage et la fin de la guerre de sécession. Rosa Parks est une militante depuis son plus jeune âge. Elle est née en 1903. Sa mère, qui est enseignante, est très politiquement engagée. Le grand-père maternel de Rosa Parks est un apôtre du garveïsme, cette pensée politique panafricaine. Africaniste au début du XXe siècle. Son grand-père est aussi un apôtre de l'autodéfense. Très jeune, elle reste sur le porche de la maison familiale avec son grand-père qui est armé. Au cas où, évidemment, les membres du clan, du Ku Klux Klan, décideraient de s'en prendre à la famille Macaulay, la famille, donc, puisque Rosa Parks, avant de s'appeler Parks, s'appelle Rosa Macaulay. Donc c'est une militante, militante depuis au moins l'âge de 18 ans, lorsqu'elle rencontre son mari, Raymond Parks, qui est un grand militant à l'époque pour les droits des Afro-Américains. Alors non, elle n'en est pas à son premier coup d'éclat, le 1er décembre 1955. Cependant, ce qui se passe ce jour-là dépasse complètement ce qu'elle avait imaginé. Qu'est-ce qu'elle avait fait comme autre acte de résistance, par exemple, jusque-là? Oui, alors dans les années 30 et 40, elle milite pour inscrire les Afro-Américains sur les listes électorales. Il faut savoir qu'il était très difficile d'être noir et d'être inscrit sur les listes électorales, au moins jusque dans les années 1960. Donc des années 1860 aux années 1960, il est quasi impossible d'être inscrit sur une liste électorale si l'on est noir et si l'on habite au sud des États-Unis. Donc elle milite pour encourager ses frères et sœurs noirs à s'inscrire, à exercer leur droit de vote, ce qui est très difficile et très dangereux. Elle s'oppose au lynchage, elle dénonce la pratique du lynchage, qui est une pratique loin d'être anecdotique dans le sud des États-Unis, puisqu'il faut rappeler tout de même qu'entre 1880 à peu près, enfin les années 1880 et les années 1950, environ 40 000 noirs sont lynchés à travers le sud des États-Unis. Donc c'est une femme qui s'oppose aux violences, qui s'oppose aux violences sexuelles exercées sur les femmes noires. Elle-même d'ailleurs est victime d'une tentative de viol lorsqu'elle est domestique. Donc c'est une femme qui lutte, c'est une femme qui rejoint en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, donc l'association de défense des droits des Noirs, fondée en 1909. C'est une femme qui est très active auprès de la jeunesse noire, jeunesse qu'elle encourage à prendre finalement son destin en main. Et petite parenthèse, parce qu'on a fait Rosa Parks, évidemment, cette figure du combat des Noirs, mais on l'a beaucoup présentée comme le geste d'une femme qui épouse, qui embrasse ce combat-là. Petite parenthèse, mais elle n'est pas seule. Il y a des femmes dans ces activistes, ces militants noirs, il y a quelques femmes qui sont actives. Absolument. Les femmes jouent un rôle crucial au 20e siècle dans les luttes noires. D'ailleurs, Rosa Parks, le 1er décembre 55, n'est pas la première à refuser de céder sa place, la première femme. Je rappelle qu'en mars 1955, Claudette Colvin, âgée de 15 ans seulement, déjà refuse de céder sa place. Elle est arrêtée. Et à ce moment-là, l'élite afro-américaine de la ville de Montgomery hésite finalement à la soutenir et à porter sa cause devant la nation. L'élite afro-américaine hésite face à cette figure de Claudette Colvin, de 15 ans seulement. On l'estime trop jeune. On estime qu'elle n'appartient pas à la bonne classe sociale. Ouais. Peut-être que la communauté afro-américaine de Montgomery et la communauté afro-américaine aux États-Unis en général ne soutiendra pas cette jeune femme. Et l'on découvre par ailleurs à l'été 55 qu'elle est enceinte. Alors imaginez, elle n'est pas la bonne figure pour représenter la lutte contre la ségrégation dans les bus municipaux à Montgomery. Rosa Parks, elle, est une femme parfaite. Elle a 43 ans, elle n'a pas d'enfant, elle est mariée. C'est une femme apparemment silencieuse. C'est elle qui va devenir la figure de proue du mouvement de lutte contre la ségrégation. Alors revenons justement à l'impact, à ce voyage en bus le 1er décembre 55, à ce refus de céder sa place. Il y aura un impact plus large, on y viendra dans quelques minutes, pour la transformation de la société américaine par de nouvelles lois par exemple. Mais à court terme et de manière très concrète, quel impact a ce geste de Rosa Parks le 1er décembre 55? Un impact, j'ai envie de dire, révolutionnaire. Le refus de Rosa Parks va enclencher un mouvement ou l'émergence d'un mouvement. Il n'y a pas vraiment de mouvement noir avant les longues années 60, ces années qui vont de 55 à 75. Elle est arrêtée le 1er décembre 1955. Le 5 décembre, quelques jours plus tard, donc le lundi qui suit son arrestation, un boycott des autobus de la ville est organisé par la communauté afro-américaine. Ce boycott est très suivi. Ouais. Le 1er décembre 1955, il est décidé collectivement de prolonger ce boycott. Et le boycott va durer 382 jours. C'est la première fois que l'on assiste à la mise en place d'une culture de mouvement, d'un mouvement noir qui va fédérer les Noirs à travers les distinctions de classe. Et on va revenir sur ce boycott parce que ça vaut le détour, mais très vite aussi, et ça va participer de ce mouvement sur lequel débouchera l'affaire Rosa Parks, très vite, de grandes figures, celles de Martin Luther King, entre autres, vont comprendre ce qui se passe, qu'il y a là matière à pousser plus loin le combat des Noirs. On écoute justement Martin Luther King dans la foulée de l'affaire Rosa Parks. Nous n'avons pas tort. Nous n'avons pas tort d'agir comme on le fait. Et si on a tort, la Cour suprême de ce pays a tort. Et si on a tort, la Constitution américaine a tort. Et si on a tort, le Dieu Tout-Puissant a tort. If we are wrong, God Almighty is wrong. Alors, quel rôle va jouer Martin Luther King dans cette affaire, Jean-Pierre Lodlenec? C'est très important l'extrait que vous venez de jouer parce qu'on connaît bien le discours de Martin Luther King de Washington, de la grande marche de Washington d'août 1963. Avant de rêver, Martin Luther King avait fait un discours fondateur le 1er décembre 1955 dans une église remplie de monde. Dans l'église où Martin Luther King prononce ce discours, il y a plus de 1000 personnes qui l'écoutent et qui découvrent ce jeune pasteur pasteur de 26 ans qui vient d'être nommé récemment à l'église Dexter Avenue Baptist. Hein, c'est une église donc toute proche. C'est un jeune pasteur que l'on ne connaît pas sur la scène nationale et qui est choisi un peu comme figure représentant le boycott, représentant la lutte contre la discrimination et la ségrégation dans les autobus de la ville de Montgomery. Pourquoi est-ce qu'on le choisit? Parce que c'est une figure nouvelle. Finalement, la communauté afro-américaine de Montgomery est une communauté très divisée pour des raisons de classe essentiellement. Il y a une classe moyenne de professionnels et puis plutôt une classe ouvrière afro-américaine. Alors Martin Luther King, c'est un peu le lien entre toutes les classes qui représentent la communauté afro-américaine de Montgomery. Ce soir-là, il donne un discours électrique, électrisant et il devient, il est nommé ce jour-là, le porte-parole de l'association créée afin de dénoncer la ségrégation dans les autobus de la ville, association que l'on connaît sous le nom de Montgomery Improvement Association. Et on l'écoute à nouveau justement sur ce sujet précis du boycott, de ce fameux boycott du transport public à Montgomery, Martin Luther King. For a number of years, the Negro passengers on the city bus lines of Montgomery Pendant des années, les Noirs qui prenaient le bus à Montgomery ont été intimidés et humiliés, comme Rosa Parks qui a été arrêtée et emprisonnée parce qu'elle refusait de céder sa place à un Blanc. Ces Noirs qui forment 44 % de la population et qui représentent 90 % des usagers du bus à Montgomery boycottent ce service de bus et continueront de le faire jusqu'à ce que les choses changent. Alors, le refus de Rosa Parks de céder sa place le 1er décembre 1955, c'est, oui, c'est le point de départ, mais ça aurait pu ne pas avoir de suite, on l'a bien vu avec vous, Jean-Pierre Ledelonec, le vrai point de départ, ce qui va donner la dimension historique à cette affaire, c'est ce boycott, ce rassemblement de la communauté noire de Montgomery, ça va être fondamental ce qui va se passer. Absolument. C'est un boycott admirable, efficace, extrêmement efficace. Dans les jours qui suivent le début du boycott, le 1er décembre 1955, les autorités blanches de la ville sont persuadées que les Afro-Américains, hommes et femmes, vont céder très vite et reprendre finalement l'autobus pour se rendre sur le lieu de leur travail. Et pourtant, le boycott, je l'ai dit, va durer 382 jours. Il se termine le 20 décembre 1955. Et ça veut dire de très... Il y a un sacrifice, là, il faut le comprendre. Absolument. Ça veut dire de très, très longs trajets. Absolument. À pied, pour cette classe ouvrière à bout de force. Tout à fait. Les femmes domestiques, je l'ai dit, ce sont surtout elles qui prennent l'autobus, ainsi que les ouvriers afro-américains. Ces hommes et ces femmes marchent des dizaines de kilomètres par jour pour se rendre à leur travail. Il y a des photos célèbres de ces hommes et ces femmes marchant, résistant en marchant finalement pacifiquement. On assiste également alors vraiment à la mise en place de stratégies de solidarité au sein de la communauté afro-américaine. Les églises noires achètent des voitures qui sont transformées en taxis collectifs. On pratique le covoiturage. On encourage les conducteurs de taxis noirs américains à ne pas demander le tarif habituel pour une course, mais plutôt à demander l'équivalent du tarif du trajet en autobus. Oui. Donc les conducteurs de taxis américains réclament seulement 10 sous au lieu du 45 sous, 50 sous qu'ils seraient en droit Donc, de demander. Grande solidarité. La communauté afro-américaine s'organise et Rosa Parks joue un rôle très important pendant tout le boycott. Elle donne des discours, elle milite pour la Montgomery Improvement Association, elle milite également pour la NAACP dont j'ai parlé tout à l'heure et elle participe à des levées de fonds à Montgomery, mais également à travers le pays pour soutenir ces hommes et ces femmes qui sont dont l'impact de la lutte est vécu au quotidien, bien sûr. Et ça marchera. À terme, quand on fait un peu le bilan, qu'est-ce que ça va donner comme résultat concret, cette affaire de Rosa Parks? J'ai envie de dire un bilan immédiat. Un bilan immédiat, le 20 décembre 1956, les autobus de la ville de Montgomery sont... ne sont plus marqués par une ségrégation raciale. Hommes, blancs et noirs peuvent s'asseoir où ils le désirent dans l'autobus. Le bilan est immédiat suite à une décision de la Cour suprême en novembre 1956 qui déclare que la ségrégation dans les transports publics municipaux est inconstitutionnelle. Donc ça, c'est l'impact immédiat. Ouais. Impact immédiat qui fait la manchette. Hein, le 20 décembre 1956, les photographes de la Nation se ruent vers Montgomery afin de photographier ces noirs qui occupent les 10 premières places auparavant réservées à des blancs. Ça, c'est l'impact immédiat. L'impact sur le long terme, c'est que le boycott de Montgomery montre à la communauté afro-américaine, pas seulement de Montgomery et de l'Alabama, mais aussi des États-Unis en général, qu'il est possible de résister en employant des stratégies nouvelles. Ouais. Jusque dans les années 50, la principale stratégie des élites afro-américaines était une stratégie légaliste. On allait contester la ségrégation et contester les discriminations dans les cours de justice. Désormais, il semblerait qu'il soit possible de résister à la ségrégation et aux discriminations raciales en utilisant d'autres stratégies qu'on appelle des stratégies non violentes et qui vont ensuite se transformer. Hein. On verra d'autres stratégies se mettre en place dans les années 60. La stratégie du sit-in, la stratégie des Freedom Ride, et puis on aura ensuite, évidemment, d'autres formes de désobéissance civile dans les années 60. Qui mèneront à ces grands changements législatifs, justement, des années 60 sur la question des Noirs. Dernière question. Qu'est-ce qu'elle deviendra, Rosa Parks? Alors, c'est ce que l'histoire ne raconte pas. D'ailleurs, Rosa Parks, on raconte rarement, véritablement, la vie et l'œuvre de Rosa Parks. Rosa Parks est une figure que l'on réserve généralement pour l'école primaire, voire les premières années de l'école secondaire aux États-Unis ou encore ici, au Québec. On ne parle pas de la suite de l'histoire de Rosa Parks parce que la vie de Rosa Parks n'est pas une vie particulièrement rose. Après 1955-56, elle perd son emploi. Dès le moment où elle est arrêtée, dès le moment où elle est condamnée par les autorités de Montgomery, elle perd son emploi, le loyer de son loyer est augmenté et personne n'accepte de lui offrir un emploi à Montgomery ou dans la région. Si bien qu'à l'été 1957, Rosa Parks quitte Montgomery pour Détroit, où se trouvent son frère et d'autres membres de sa famille. Et de 1957 à 1965, Rosa Parks vit dans la misère. N'a pas d'emploi stable, son mari souffre de dépression, sa famille a peur, elle reçoit des menaces. Raison pour laquelle elle est partie de Montgomery, elle recevait des menaces de mort quotidiennes. En 1965, Rosa Parks obtient un emploi. Elle est assistante du député John Myers, député noir de la ville de Détroit. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, Rosa Parks vit dans une relative aisance jusqu'à la fin de sa vie. De 1965 à sa mort, à 2005, Rosa Parks est une figure... C'est toujours une figure de militante. Elle n'arrête pas de militer. Elle milite, elle est proche de Malcolm X, qu'elle rencontre à 3 reprises. Elle rencontre Stokely Carmichael, qui l'admire énormément. Elle est très, très proche de mouvements afro-centrés dans les années 1970. Elle est très sensible à la lutte des partisans du pouvoir noir. Et jusque dans les années 80-90, après avoir milité contre la guerre du Vietnam dans les années 70, elle milite contre les violences policières dans les années 80. Elle milite contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est une femme qui a été capable de traverser le 20e siècle américain en participant à toutes les luttes. Et merci, Jean-Pierre Le Glonec, de nous l'avoir si bien présenté. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.